son dance floor. Il est 7h, bon réveil, c'est que du fun jusqu'à 10h. Et avec moi, l'homme à la casquette, l'homme aux jeux vidéo, David Kaufmann. Ça va, Kaufmann? Bien, moi j'aime bien le dimanche matin parce que tu vois, il fait calme dans la ville. On arrive très très vite au studio et on sait qu'on va réveiller les gens jusqu'à 10h avec le meilleur des informations, internet, jeux vidéo, et qu'on va se régaler, on va vous régaler au niveau des cadeaux. C'est que du fun et c'est chaque samedi mais aussi chaque dimanche jusqu'à 10h. T'as changé de casquette ou pas, Kaufmann? Oui, c'est une nouvelle casquette, ça, non? Oui, ça m'arrive, oui. Ouais, mais c'est quoi comme casquette? Écoute, c'est un petit cadeau. Ouais, mais de quoi? C'est quelle marque? Quel, Uncut. C'est quoi ça? Bah, c'est les rappeurs américains. Ah, t'es rappeur. Ah, t'as côté rappeur maintenant. Ouais. Dans quelques minutes, on va lever et râler. Kaufmann, toi, tu vas? Râler sur des ouvriers russes qui n'ont pas bu de la vodka, mais qui n'ont pas respecté du tout les règles de conduite. Moi, je vais lever sur Andy Murray. Tu connais Andy Murray? Joueur de tennis. Ouais, il lui est arrivé une sale histoire. On vous raconte tout ça juste après le journal des bonnes nouvelles sur Fun Radio. Nouvelle. Bonjour à tous, les commerces à se retrouver en fin de journée avec des produits parfaitement consommables mais invendus sont très nombreux. Autant d'aliments qui doivent être jetés car impossible à resservir le lendemain. Résultat, les commerces de distribution gaspillent chaque année 2,3 millions de tonnes de nourriture et la restauration un peu plus d'1,5 million. Pour lutter contre ce gâchis, un groupe d'amis expatriés au Danemark a eu une brillante idée, créer une application où les consommateurs pourraient voir les invendus des commerces et les acheter à tout petit prix. Sur l'application, on peut vérifier en un coup d'œil les portions disponibles dans son quartier. quartier ainsi que les horaires de passage possibles. Il suffit ensuite de payer en ligne et de se présenter chez les commerçants, de préférence avec son Tupperware sous le bras. Pour se financer, la start-up prélève une commission fixe d'€1 par transaction sur les sommes qu'elle renverse ensuite aux commerçants. Prochaine étape, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la Suède. Et pourquoi pas bientôt chez nous. Une annonce publiée sur Facebook par la réception d'un hôtel de Bruges cette semaine a beaucoup amusé les réseaux sociaux. Un hôtel de Bruges s'est en effet mis activement à la recherche du propriétaire d'un dentier retrouvé sur le comptoir du bar de l'auberge de jeunesse quelques jours plus tôt. L'annonce a été accueillie avec humour par les internautes et cela fait sans doute un peu de pub à l'hôtel. On ignore par contre si le principal concerné s'est finalement présenté à la réception pour aller récupérer son bien. Et si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui a égaré son dentier, invitez-le donc à prendre contact avec cet hôtel brugeois. Alors que les rocades du monde entier s'engorgent quotidiennement à cause de la densité du trafic, la pollution urbaine atteint fréquemment de dangereux sommets face aux problèmes majeurs engendrés par la congestion automobile. Séoul s'est engagé dans un urbanisme plus respectueux de l'environnement en réaménageant ses autoroutes aériennes. Le projet d'une agence néerlandaise a finalement été retenu. Ces urbanistes ont proposé de transformer une structure haute de 17 mètres en un jardin botanique aérien. Seuls les piétons y sont admis. Ils peuvent admirer plus de 250 espèces de fleurs, d'arbustes et d'arbres classés selon l'alphabet coréen, à la manière d'une bibliothèque florale. Les robots auront leurs épreuves olympiques en 2020 au Japon, pendant que les athlètes en chair et en os s'affronteront à Tokyo pour les Jeux d'été. Le lieu et les dates n'ont pas encore été arrêtés, mais le ministère a déjà lancé des appels à candidature dans les villes du Japon, pays à la pointe de la robotique. Ces dernières années, les Japonais ont par exemple envoyé un robot doué de parole pour tenir la conversation à leur spationaute Koichi Wakata, dans le but de voir comment cet automate pourrait servir de compagnon à des personnes isolées. Des robots ont aussi été utilisés comme commis de cuisine ou ouvriers agricoles pour pallier le manque de main-d'œuvre face au rapide vieillissement de la population. Le gouvernement espère attirer l'élite automatisée du monde entier pour cet événement en 2020. La même année, à partir de juillet, la mégapole nippone organise des Jeux Olympiques d'été comme elle avait fait en 1964. Ça a l'odeur d'un Mac, mais ce n'est pas un Mac. La découverte ou la redécouverte du doux parfum d'un produit Apple fraîchement déballé est désormais possible. 12 South, une entreprise créatrice de bougies, a pensé à vous. Elle propose tout simplement une bougie qui dégage une odeur de Mac neuve, un parfum issu d'un savant mélange comprenant notamment menthe, pêche, basilic et lavande. Niveau autonomie, la bougie a une durée de vie estimée à 50 heures. Son prix avoisine les 21 €. On termine ce journal Bonne Nouvelle avec un point sur la météo pour vous dire qu'on aura droit à un temps relativement variable avec quelques risques d'averses pour ce week-end. Le thermomètre baissera progressivement pour se fixer entre 9 et 13 degrés à partir de ce dimanche. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des Bonnes Nouvelles. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. C'est des euros qui débarquent dans quelques secondes sur Fun Radio. Et là, c'est le moment de lever et de râler. On regarde toute l'actualité chaque semaine et on prend ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est une histoire avec Andy Murray. Il a été pris dans une sale histoire. La star écossaise du tennis, Andy Murray. Tu connais, hein, Kaufman ? Oui, bien sûr. Tu le regardes de jouer des fois ? Ça m'arrive, mais bon, maintenant, il doit être assez vieux, entre guillemets. Ah, mais non, il joue encore, hein ? Oui, mais il doit pas être loin de la trentaine. Ouais, c'est vrai. C'est pas loin de la trentaine. La retraite pour lui. Effectivement. La star écossaise a raconté avoir été harcelée par une femme de chambre. Eh oui, comme DSK, tu vois, c'est la même chose, la même histoire. Elle s'est introduite dans sa chambre alors qu'il dormait, puis après elle l'a suivi, et puis elle l'a touché, elle a commencé à lui toucher le bras encore. Le bras, oui. Bah, je sais pas quel bras, mais le bras quand même. Et Andy Murray a dit, j'avais la pancarte ne pas déranger sur la porte, mais elle est entrée et s'est assise sur mon lit. Elle a commencé à me caresser mon bras alors qu'il était autour de 7h du matin et je dormais encore. Kaufman, t'as déjà été suivi par quelqu'un comme ça, par une femme ou pas? Pour me caresser le front, mais c'était juste parce qu'on pensait que ça portait bonheur, mais en fait pas du tout. Hein. Toi, t'as décidé de râler, Kaufman. Ah bah oui, j'ai râlé sur des ouvriers russes. On l'a vu, vous l'avez peut-être vu sur YouTube. Ce sont des ouvriers qui s'apprêtent, comme chaque matin, à partir au boulot. Ouais. Ils l'ont filmé. Pourquoi ils l'ont filmé? Parce que ils sont partis à 17 dans une petite voiture russe. Ils ont réussi à rentrer à 17. Alors jusque là, ça peut prêter à sourire. On peut se dire que c'est la mise en scène. Sauf que pas du tout. Ils ont été à 17 au boulot. Ils ont fait les 10 ou 15 kilomètres qui les séparaient de leur lieu de travail dans cette bagnole. Ils sont rentrés à 17 et grand luxe. Ils ont même pris un accordéon, une guitare avec pour égayer le trajet. Alors ça m'a fait sourire et puis j'ai réfléchi, je me suis dit c'est quand même pas un bon exemple que de montrer ça, surtout que la vidéo a fait le buzz sur internet. Ils en ont fait exprès. Non, c'est tous les matins qu'ils partent à 17 dans la bagnole. Mais ils l'ont filmé, c'est eux qui l'ont filmé. Ah oui, bien sûr. Donc ils en ont fait exprès pour qu'elle buzz aussi. Aussi, oui, mais bon, s'ils le font tous les matins, ils vont pas le filmer tous les matins et c'est pas une recommandation qu'on va faire aux jeunes conducteurs qui nous écoutent. C'est un peu Tetris en fait leur histoire, tu vois, pour empiler les gens. C'est mieux que ça, parce que quand on regarde la vidéo, on se demande vraiment où ils sont passés les 17, parce que la bagnole, c'est une toute petite bagnole russe et à mon avis, il a fallu pousser et tu peux pas manger le soir quand tu rentres parce que sinon tu rentres pas dans la bagnole le lendemain. Ça, vous pouvez voir la vidéo sur internet. En parlant d'internet, on a destination web dans quelques secondes, Kaufman. Oui, je vous parlerai de jeux olympiques, mais tout à fait spéciaux, puisqu'il y a de nouveaux jeux olympiques qui vont apparaître bientôt et on vous voit dans quelques secondes. Ouais, on vous explique tout ça juste après Deo sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Sino. son. Dance floor. Feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Avec le son de môme. Maintenant, on s'intéresse au web, destination web, Kaufman. Oui, vous le savez, chaque semaine, on essaye de piocher ici et là des informations internet, des informations sur le web, mais aussi des informations technologiques. Et sachez que en 2020, des Jeux Olympiques pour les robots auront lieu au Japon. Bah oui, les robots auront aussi leurs épreuves olympiques en 2020 au Japon, pendant que les athlètes en chair et en os s'affronteront à Tokyo pour les Jeux d'été. Ouais. Donc les dates coïncideront, c'est plutôt intéressant. Le lieu n'a pas encore été révélé, mais le ministère a déjà lancé des appels à candidature dans les villes du Japon, pays à la pointe de la robotique. Vous le savez peut-être, le Japon doit faire face au vieillissement chronique de sa population et donc compte sur ses robots pour remplacer une partie de la population au travail, dans les loisirs, et c'est pour ça aussi qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques pour les robots en 2020 au Japon. Donc notez-le bien, à mon avis, ça promet d'être assez spectaculaire. C'est des robots qui ont une forme d'humain. Non, pas spécifiquement, non, ça peut être des bêtes machines qui vont, entre guillemets, courir le 100 mètres, d'autres qui vont se battre pour la boxe.

ma folie. Oui, on dit. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Parce que je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Parce que je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Égophonique vous accompagne en ce dimanche matin sur Fun Radio. Et on va se mettre à courir direction le sport. Kaufmann, tu vas encore parier cette semaine sur les rencontres sportives. Oui, Kaufmann. Les billets sont là. Ils sont prêts. Ils sont prêts. C'est des billets de Monopoly, arnaqueur, je vois. Pas du tout, ce sont des vrais billets et j'attends toujours le paiement des sommes qui sont dues, hein, monsieur Barbet, parce que c'est bien de parier, encore faut-il payer lorsque je gagne. 2034 environ. Ah okay. Alors, les huissiers vont arriver à ta porte. Oh merde, je suis dans la merde. Alors, on va parier sur le Grand Prix du Japon, c'est de la Formule 1, c'est ce week-end, là, c'est le Grand Prix du Japon. Tu vas parier donc sur les vainqueurs, Kaufmann, oui. Ok. Ce dimanche, allez, Debré Kaufmann. Oui. Lewis Hamilton en vainqueur. Coté à 2.1. Nico Rosberg coté à 2.7. Ricciardo coté à 7. Verstappen coté à 9. Vettel coté à 20. Si tu mises 1 euro, tu gagnes la cote multipliée. Hamilton. Hamilton direct. Ouais, pourquoi? Moi, je suis un fan de Hamilton. J'aime bien son style. Je trouve qu'il est extrêmement sympathique. Et sur un circuit, il est difficile à doubler. Donc pour toi, Hamilton, ouais, c'est le favori. Hein, pour, bah, ça dépendra pour... aussi des séances d'essai, bien forcément. Sûr, effectivement. Pour le podium, tu vois donc Hamilton en premier. Ouais. On va faire le podium ensemble. Il y a Nico Rosberg qui est coté à 1.3 pour le podium. Bof. Ricciardo 1.6. Ricciardo, tu connais pas? Non. Ok. Sergio Perez 25, côté à 25, c'est déjà intéressant. Gutiérrez 250. Ok, mais je mettrais Verstappen quand même. Verstappen? Ouais. Ah, c'est le seul que j'ai pas. Tu me l'as dit tout à l'heure, il est côté à 9. Il a retenu en plus la cote malin. Mais il est belge en même temps, hein, Verstappen. Ah, il est belge? Ouais. Je sais pas, non, c'est vrai? Mais si, je pense bien, ouais. Il est belge, Verstappen est belge. Je pense bien, ouais. Ok, attends, on va se renseigner. Mais s'il est belge, mais qu'il vient ici alors, Verstappen, non? Bah oui, peut-être. Ça sera un bon client. Attends, Verstappen, on va chercher ensemble. Verstappen, est-ce qu'il est belge? Il est né en Belgique, à Assel. Effectivement. Un peu de culture ne fait pas de mal, mon ami. Mais il est plus jeune, il est vachement jeune. Hein, ah oui, bien sûr, mais c'est un des grands talents et un des grands espoirs de la Formule 1 pour nous, Belges. Bon, on va l'inviter, non? Si tu veux, avec plaisir. Oh, on va faire une course de Formule 1 avec ma Clio. On va voir qui va gagner. Allez, dans quelques minutes, des infos télé avec Danse avec les Stars et Olivier Mine, le Belge. Oui. Il a fait une révélation il y a quelques jours, là. Une grosse révélation, ça nous ferait du bien de faire Danse avec les Stars, Kaufmann. Ah bon? Ouais, je t'explique tout ça juste après. Égophonique. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je pars faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. Ailleurs. J'm'envole ailleurs. Ailleurs. Ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. Yeah. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine, son bombe pas. Ah, laisse tomber, j'ai pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais. Comment te dire, je vais faire le tour de la terre. Suis-moi dans mon cul. La suite du son dance floor, ça se passe avec Rihanna et Drake. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Et là, on va s'intéresser à la télévision Danse avec les stars. Ça commence dans une semaine. Tu vas regarder ou pas? Non, non, c'est un programme qui me botte pas tellement. Pourquoi? Autant The Voice, je peux me laisser captiver par le programme. Autant Danse avec les stars, ça me botte pas. Tu vois, le salsa, le mambo, sur un cha-cha, David Kaufman. Sur un cha-cha dénoncé, David Kaufman. Tu m'as vu ou quoi? Avec sa danseuse, la casquette. La danse de la casquette. Il y a Olivier Mille, le Belge, qui participe cette année à Danse avec les stars, animateur de Fort Boyard. Ouais. Et je sais pas si t'as déjà regardé Olivier Mine à la télévision. Bien sûr, il est assez portant comme mec, il est assez imposant. Hein. Il est assez musclé, ouais. Ouais. Lui, il dit qu'il a beaucoup de muscles, mais aussi beaucoup de gras. Et là, en deux semaines de répétition, ça fait déjà deux semaines qu'il répète, il a perdu 14 kilos. 14 kilos. Il a perdu 14 kilos en deux semaines en faisant les entraînements de Danse avec les stars. Appelle-moi un peu le casting et je vais aller m'inscrire. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que tu penses qu'Olivier Mine peut s'en sortir dans la danse où il est peut-être un peu trop gros, trop musclé? Je pense qu'il est assez charismatique et que dans la danse, c'est quand même quelque chose d'important. Donc je pense que peut-être qu'il a ses chances, ouais. Pour toi, Olivier Mine fait partie des favoris de l'émission. En même temps, quand on voit qu'il y a de Valérie D'Amito aussi, il a toutes ses chances. Hein. Ouais, elle en sait pas combien elle a perdu, Valérie D'Amito. Bah, pour l'instant, elle maroufle les studios, elle est pas encore à la danse. Elle fait le décor pour la semaine prochaine. Voilà. Olivier Mine qui a dit, j'ai perdu 14 kilos, j'en suis fier, j'oserais peut-être la chemise ouverte, mais je n'irai pas torse nu, il y a un âge pour tout. Ouais, on risque de voir un petit peu le torse quand même d'Olivier Mine, voilà, mademoiselle. Dans quelques minutes, les jeux vidéo, Kaufman. Titanfall 2, un personnage du jeu vidéo a été doublé par un célèbre rappeur français, à votre avis qui? 30-44 pour 50 cents le message, si vous avez une petite idée. Effectivement, on vous expliquera aussi comment s'inscrire pour la grande box Fun Radio. Tout ça, c'est juste après Rihanna et Drake. And I hope you can take it. I hope you-

I'm gonna rock you. Take a chance. Matin, la suite du son Dance Floor, ça se passe avec Dua Lipa. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On parle jeux vidéo tous les samedis, tous les dimanches, 7h-10h. On vous ramène l'essentiel de l'actualité qui s'est passé toute la semaine. On vous ramène de temps en temps aussi des exclusivités. Et là, on va commencer par une brève qui m'a fait beaucoup, beaucoup sourire cette semaine, puisque un gros jeu, s'il en est, Titanfall 2, arrivera bientôt dans le mois à venir et vous permettra d'entendre le doux son, la douce voix d'un célèbre rappeur français. Et à ton avis, quel est ce rappeur français qui peut faire du doublage dans Titanfall 2? Il incarnera, je te dis tout, Kevin Blisk, mercenaires de l'IMC présents dans ce jeu de shooter signé par les équipes de Respawn Entertainment. Et il assurera donc le doublage. À ton avis, ça peut être qui? Est-ce que c'est un chanteur du sud de la France? Je sais pas, forcément. Non, je pense qu'il est plutôt... Il vit à Paris, je pense. Ah, il vit à Paris? Ouais, je pense. Ah ok, je pensais, non, je vais pas le dire alors, mais... Mais dis-moi, que... dis-moi, je me trompe peut-être. Est-ce que c'est Soprano? Non. Ah ok, ok, c'est pas Soprano. C'est un rappeur qu'on diffuse ou pas sur Fun Radio? Non, ça fait quelques années qu'on le diffuse plus, non. Ah, c'est un vieux rappeur? Ah, c'est un vieux rappeur, oui. Genre, ah oui, je sais qui c'est. Qui ça? Genre du groupe NTM. Voilà. Effectivement, il s'appelle comment celui-ci? Il a foutu une claque à... Ah oui, le chien battu. Joe Star, ça? Voilà, Joe Star. Je sais que je savais l'imiter, j'avais tous ses talents. Refais l'imitation de Joe Star. Bon, viens dans ma Zoom Zoom Benz. Dis pour réveiller avec Joe Star. Non, je pourrais pas là. Après, il va venir me foutre des claques comme à Gilles Verdez, ça va pas le faire. Donc là, il va faire le doublage. Hein. Et il va faire du doublage de vidéo, c'est une première pour lui. La brève, comme on l'appelle, la brève de comptoir, m'a fait beaucoup sourire parce que Joe Star, finalement, on le retrouve dans le ciné là où on l'attendait pas. Ouais. On le retrouve dans les jeux vidéo là où on l'attendait pas. Et peut-être que bientôt, on le retrouvera dans la musique là où on l'attendait pas. C'est ça. Dans quelques minutes. Kaufman, on va encore râler, on va encore lover. Hein. Et oui, et je vais lover, oui, c'est le cas de le dire, mais un super love pour un super policier, tout simplement. Très bien, moi je vais râler sur la faucheuse de la Caroline. Est-ce que tu sais ce que c'est, Kaufman? Je préfère pas. Non. Juste après, Dua Lipa sur Fun Radio. Nouvelles. Bonjour à tous. Après une semaine qui a débuté par une mauvaise nouvelle dans le monde de l'emploi, place à une note un peu plus positive. La compagnie aérienne irlandaise Abaco Ryanair va recruter plus de 3500 collaborateurs en 2017. Ryanair a besoin de collaborateurs supplémentaires car elle va ouvrir 50 nouvelles lignes aériennes d'ici un an. La compagnie veut notamment recruter 2000 membres de personnel de cabine et 1000 pilotes. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, environ 300 travailleurs du cadre actuel vont bénéficier d'une promotion. Au cours des 5 prochaines années, Ryanair prévoit d'embaucher 5000 nouveaux collaborateurs d'ici là. La flotte passera de 355 à 500 avions. La compagnie a connu une hausse de 13% de son nombre de passagers par rapport à l'an dernier. Autre conséquence heureuse, le prix des billets devrait chuter d'une dizaine de pourcents. C'est donc le moment idéal pour réserver un vol aux tarifs les plus bas avec Ryanair. Tous les clients souhaitant réserver leurs vacances d'été 2017 sont donc invités à le faire dès maintenant. Si l'envie soudaine de déguster une pomme ou un autre fruit quand vous êtes dans la rue vous prend, vous pourrez à l'avenir aller la cueillir à deux pas de chez vous au lieu de l'acheter dans le commerce. Il existe en effet une carte collaborative qui géolocalise les arbres fruitiers et les plantes comestibles dans nos villes. En gros, une Google Map pour grignoter sans frais. À l'origine du projet, trois étudiants américains, adeptes de la récupération de nourriture. Cette carte est aujourd'hui consultée par près de 700 000 personnes dans le monde, dont seulement la moitié aux États-Unis. Elle répertorie les arbres fruitiers de plus de 2300 villes dans 70 pays. Elle est disponible en 8 langues, dont le français. L'application permet aux utilisateurs d'ajouter leurs propres découvertes avec photos à l'appui, position GPS et lien vers une fiche Wikipédia décrivant la plante et ses usages. On espère qu'elle sera bientôt disponible chez nous. Si vous devez un jour aller en Malaisie, évitez de vous amuser avec le drapeau national. 9 Australiens venus assister à la victoire de leur compatriote Daniel Ricciardo au Grand Prix de Sepang l'ont appris à leurs dépens. Au terme de la course, ils ont été arrêtés et placés en détention provisoire pour être apparus vêtus de slips aux couleurs du drapeau national. Les photos de leur performance ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions furieuses d'internautes qui les ont accusés d'insulter la nation. Ils sont sous le coup d'une enquête pour insulte volontaire avec l'intention de provoquer un trouble à l'ordre public. Avouez que c'est un peu fort pour se balader juste en slip. Il n'y a pas d'âge pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Une centenaire vivant dans le Missouri aux États-Unis a assouvi un vieux rêve, celui de se faire arrêter par la police. Son âge canonique ne l'empêche pas de conserver une âme de mauvaise fille. Elle n'a pourtant rien d'une délinquante, mais elle souhaitait réaliser un rêve encore inassouvi et c'est désormais chose faite. Le jour de son 102e anniversaire, elle a connu le grand frisson de l'arrestation policière en se faisant embarquer par une patrouille de la police de Saint-Louis. La vieille dame s'est retrouvée entourée par deux agents qui l'ont escorté jusqu'au centre communal de la ville qui faisait office de commissariat. On l'a même passé les menottes. On termine ce journal des bonnes nouvelles avec un point sur la météo pour vous dire que le temps sera variable avec parfois quelques averses. Il fera toutefois majoritairement sec et le ciel se partagera entre les éclaircies et les périodes plus sombres. Le thermomètre baissera progressivement pour se fixer entre 9 et 13 degrés à partir de ce dimanche. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. You probably still adore me, with my hands around your neck. Can when you feel the warmth, yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah, it's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'm a matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm one take. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell, hotter than hell. Continue avec Dimitri Vegas et Live Mike. Et on va râler, on va lover encore Kaufman. Toi, tu vas lover, hein. Oui, c'est même un super love en ce dimanche matin pour un super policier. La police du comté de West Midlands en Angleterre compte parmi son effectif, son personnel, Andy Pope. Un policier avec une mémoire visuelle exceptionnelle, puisque dans une vidéo publiée sur YouTube, Andy Pope se prête à un test pour prouver son talent qui lui a déjà permis de reconnaître plus de 850 suspects. Andy Pope a un talent très utile pour un policier, une mémoire visuelle exceptionnelle. Il suffit un regard au policier pour enregistrer automatiquement le visage de quelqu'un et pouvoir le reconnaître même des années plus tard. La capacité d'Andy Pope est très utile, évidemment, à la police du comté de West Midlands en Angleterre. Tous les matins, le policier il arrive même 30 minutes avant les autres pour pouvoir regarder le visage des suspects et les enregistrer dans son cerveau. Grâce à son talent, je vous le disais, il a déjà réussi à reconnaître plus de 850 suspects. Un super love pour un super policier. Donc. C'est fou ça, t'arrives à reconnaître quelqu'un que t'as déjà croisé peut-être dans la rue, tu le recroises, tu vas te dire ah ouais, je l'ai croisé ici ce mec-là. Bonjour, vous êtes qui? Non, je suis assez physionomiste. T'as une mémoire visuelle toi? Ouais, assez, ouais. Ok, très bien. Moi j'arriverai jamais à reconnaître toi, je te reconnais avec ta casquette, heureusement. Hein, sinon un jour, je suis arrivé sur la poussière. Casquette, il n'a pas voulu m'ouvrir le matin. Je suis resté une demi-heure à la porte. Mais non, vous n'êtes pas lui. Vous n'avez pas de casquette. Et tu sais, je vais raconter un truc. Chaque matin, tu sonnes à la porte de Fun Radio, tu vois. Ouais. Et c'est moi qui t'ouvre chaque matin. Oui, en l'occurrence, oui. Et chaque matin, je me demande si c'est toi. J'ai toujours peur que ce soit quelqu'un d'autre, tu vois. Oui. Alors je regarde et je mets toujours 5-10 secondes avant de t'ouvrir. Je sais pas si t'as remarqué. Mais je regarde à chaque fois et je regarde si la personne a une casquette. Si elle n'a pas la casquette, tu vois pas. Et tu donnes une indication. Il hein. Y a des jours, il y a une journée la semaine dernière, je crois, il y a deux semaines, t'es venu, il faisait noir, oui, il faisait nuit, ouais. Il faisait hyper nuit et je ne voyais pas. Je lui ai dit, mais je sais pas qui c'est, je ne vois pas. Et tu as dû sonner deux fois pour que je voie la casquette. Sinon, je ne vois jamais, Kaufman. Donc, remets bien ta casquette et tu la montes devant la caméra, c'est important. Bien sûr. Sinon, tu rentres plus. Et bien sûr, mon poing atterrira dans ta gueule un jour. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On est là pour vous réveiller. Ouais. Soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre tous les samedis, tous les dimanches, 7h, 10h, on râle et on love, on aime l'actualité. Ouais. On vous la fait partager avec toi, David, ton râle de la semaine. Effectivement, la faucheuse de la Caroline. Est-ce que tu sais ce que c'est, Kaufman? Écoute, avec un titre pareil, non. C'est le piment le plus fort du monde. T'as déjà goûté un piment, toi? Ah oui, j'adore ça. Ah oui, et ça te fait rien, toi? Si, si, bien sûr que ça me fait. Ok, très bien. Et ben, il y a un mec qui a décidé de fumer carrément ce piment dans une vidéo qu'il a mis sur YouTube. Et je vais te faire écouter donc sa réaction. Tu vas me dire ce que t'en penses. Écoute bien. Hein. Il est en train de fumer, là. Hein. Ah, ça pique un peu. Hein. Rassurez-vous, il est toujours vivant, le type. Hein. Et le mec, ça lui fait un effet de ouf, ce piment. T'as déjà essayé de... De fumer un piment? Non, jamais. J'avoue qu'il y a des gens qui ont des drôles d'idées, mais bon, pourquoi pas. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que t'es râlé pour ça, parce que c'est plutôt drôle. Bah, ça me fait rire, mais le mec, il a pris un risque fou, il a montré ça sur YouTube. Je veux pas que les jeunes fassent pareil, c'est pour ça que ça m'a fait râler. Parce que voilà, c'est une grosse connerie de faire ça, je trouve. Et le mec, il est dans un sale état, il est en bonne santé, mais bon, la vidéo a duré 9 minutes, et 9 minutes de... Et il a vomi à la fin. Non, il vomit même pas. Il juste, ça le fait cracher. Il a besoin d'avoir de l'eau en fait, et ça le fait un peu cracher au final. En tout cas, bon réveil et bon petit déjeuner si vous passez justement à table. Hein. On est là jusqu'à 10h pour vous donner l'essentiel de l'actualité. On vous parlera encore de web, de jeux vidéo. On vous parlera aussi du tu peux pas. Effectivement, tu peux pas. Oui, et c'est une rubrique dans laquelle je démontre mon talent chaque semaine pour vous dire si vous pouvez ou pouvez pas. Et on aura aussi des cadeaux à vous offrir. La grande box s'approche à grands pas. Inscrivez-vous sur Facebook, sur la page, hein, tout simplement. C'est que du fun. Vous connectez vite sur Facebook, vous tapez c'est que du fun, vous nous envoyez un petit message privé et avec un peu de chance, votre numéro de téléphone sera tiré au sort. Et de là, petite question, quelle radio vous offre le plus de cadeaux? Qui vous offre le plus de cadeaux? Vous répondez Fun Radio et c'est gagné. Effectivement, et tout ça, on en parle juste après Dimitri Vegas et Like Mike. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Never had enough.

Et dans quelques minutes, on va faire le tu peux pas. Je donne des affirmations à Kaufman et Kaufman doit dire si on peut ou si on peut pas. Vous pouvez jouer aussi avec nous au 3044 ou sur la page Facebook, c'est que du fun. Les amis, on va en faire une, Kaufman. Avoir la phobie des fougères, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas? On peut avoir la phobie de tout. Effectivement, c'était le cas de Freud par exemple. Oui, bien sûr. Genre, il savait le type. Mais toi, t'es un arnaqueur de première. Après le complexe d'Oedipe, Freud a vraiment posé une fixation sur les fougères, il pouvait plus les voir en peinture. Ah oui, effectivement. Et même en peinture, c'était trop, tu vois. Ouais. Faire du cheval en kimono, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas? On peut. Là, t'es fort, Kaufman. À chaque fois, à ce jeu-là, t'es trop fort, j'arrive jamais à te piéger. Attends, je vais t'en trouver un. Ça te va très bien. Utiliser les services d'une prostituée en Suède, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas? On peut pas. On peut pas pour toi. En Suède, non. T'es sûr de toi? Non, parce qu'il fait trop longtemps nuit, alors ça dure trop longtemps. Eh bien, la réponse, ça sera juste après Galantis. Allez-y au 3044. Tu peux ou tu peux pas utiliser les services d'une prostituée en Suède. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, le Père Noël existe. Et les plus grands hommes sont toujours vivants. Je vous ai compris, grâce à mon nouvel appareil auditif. Même plus vivant que les vivants. I have a dream, sur mon nouveau matelas. Et plus éloquent que les comédiens. Ich bin ein Hamburger. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be, votre classement du meilleur de la pub radio. Du lundi au vendredi à 18h50 sur Plug RTL, Secret Story, la quotidienne. Merci d'être présents si nombreux pour Secret Story. Les maîtres mots de la maison, embrouille, mensonge et manipulation. Ce mec est fou, c'est pas possible. Je redoute ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est le jeu. Croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer. Inédit, Secret Story, la quotidienne, du lundi au vendredi à 18h50. Plug RTL. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Radio. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais. Sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. À chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés?

La suite du son Dance Floor, ça se passe avec Alan Walker. Et on était dans le tu peux pas, je donne des affirmations à Kaufman, il me dit si on peut ou on peut pas. Et avant la pub on avait dit utiliser les services d'une prostituée en Suède. Tu peux ou tu peux pas, t'avais dit quoi Kaufman? Tu peux pas j'avais dit. Tu peux pas, et bien effectivement en Suède la prostitution est légale, mais elle est illégale d'y avoir recours. Tu comprends ou pas? Oui bien sûr. Donc ils ont le droit mais on n'a pas le droit de l'utiliser quoi au final. D'accord. Tu es un ours en Alaska. Interdit. Interdit, ben non on peut. C'est pas vrai. Ouais on peut, je te jure. Par contre il est interdit de les photographier. Mais on peut les tuer, mais on peut pas les photographier, c'est quand même fou, hein. On peut pas les photographier, mais on peut les tuer. Ouais, c'est un truc des pays, ils sont ouf. En Alaska, ils sont un petit peu ouf, quoi. À Chicago, sortir en ville si tu es très laid. Tu peux ou tu peux pas? Bah, j'espère que tu peux quand même. Effectivement, tu peux, mais en 1974, c'était illégal, tu vois. D'accord. Avec depuis 30 ou 40 ans que c'est légal de sortir en ville. Bah, je peux aller à Chicago maintenant depuis 30 ans. Donc d'accord, c'est pas mal. Te couper les deux mains avec un hachoir de boucher. Tu peux ou tu peux pas? Tu peux. Bah non, tu peux pas. Ah bah non, parce qu'une fois que t'as... Bah si. Bah non, tu peux pas. Pourquoi pas? Parce que tu te coupes les deux mains. Comment tu fais pour couper l'autre? Bah et le... Ouais, je ah sais non, pas. Ah non, on peut pas. Je te jure qu'on peut pas. Parcourir 100 mètres plus vite qu'Usain Bolt. Tu peux ou pas? Bien sûr. Ah ouais? Ouais. En voiture ou en moto, c'est jouable. Faire pipi dans le casque d'un agent de police quand tu es enceinte en Angleterre. Bah, vu comment tu me regardes, ça doit être possible. Effectivement, on peut. C'est une loi publique, apparemment. Parce que voilà, comme ils sont enceintes, ils peuvent se soulager un peu n'importe où. Et même dans les casques d'un agent de police. Poussez, madame, poussez. Ah, ça fait du bien par où ça passe, madame. T'as déjà fait un truc un peu crado, comme ça, Kaufman? Par rapport à la police? Non, par rapport à ta vie. Non. T'as jamais fait une blague, la blague la plus crado que t'aies fait à quelqu'un? Non, là, c'est la pire des choses que j'ai pu faire, c'est. J'en suis pas fier, hein, c'est faire pipi sur la voie publique. T'as fait pipi où ça? Bah sur ta voiture, voilà. Ah c'était toi voilà. Dans quelques minutes on a encore des infos télé, on a aussi des infos jeux vidéo Kaufman. Et oui on parlera ou on reparlera de Pokémon Go, vous savez le jeu sur mobile qui a déchaîné toutes les passions des joueurs cet été. Et bien on en reparle et Pokémon Go ne va pas si mal que ça, détrompez-vous. Et tout ça c'est juste après Alan Walker. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Show me.

se réveiller que Zao et MHD. Et là, c'est l'heure des news télé avec TF1 qui a pris une mesure assez exceptionnelle à partir de cette semaine. T'es au courant ou pas, Kaufmann, de la mesure? C'est quoi? Je crois qu'ils vont plus faire de direct. Les directs, c'est fini, que ça soit pour Secret Story, pour The Voice. C'est embêtant pour toi? C'est ou ça te gêne pas? Ou écoute, comme je vote pas par téléphone, comme je joue pas, ouais. Et que finalement, ce sont des programmes français, ils font ce qu'ils veulent. À mon avis, ils ont pas envie d'avoir des débordements comme ça s'est produit il y a quelques jours chez Cyril Hanouna, qui s'est fait ennuyer par des militants contre l'IVG, ouais, hein, contre l'intervention volontaire de grossesse. Et donc, ces gens-là perturbent de plus en plus les émissions qui sont en direct, qui se donnent un peu rendez-vous là-bas. Et la chaîne a décidé, à mon avis, pour ces raisons-là, de supprimer les directs. Mais enfin, ça sera quand même un léger différé, en fait. Apparemment, oui, c'est ça. C'est que TF1 a décidé de faire entre 5 et 10 minutes de différé. Alors, pour moi, ça change quasi rien, honnêtement. Entre 5 et 10 minutes, la personne qui veut s'introduire sur un plateau, ils n'auront pas le temps de la sortir en 5 minutes, hein, clairement. Bah, ils ont le temps d'improviser et de couper le direct. Ouais, mais ça va être très violent quand même, oui, bien à la sûr. Télévision. C'est-à-dire que ça va pas passer inaperçu. Il va se passer quelque chose à la télévision en 5 minutes. Tu veux pas couper d'intervention. Ça s'est passé chez Cyril Hanouna, mais lui était en direct, hein, oui. Pour le coup. Il y aurait eu 5 minutes de décalage, c'était pareil. Hein, ça a duré au moins 3-4 minutes la séquence. Exact, hein, ouais. Où ils ont dit déjà, ils acclamaient au début Cyril. Moi, bon anniversaire, c'était, blague, c'était joyeux, ouais, anniversaire au je départ. Je croyais que c'était une blague, moi, au départ, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est encore une blague d'Hanouna, il a encore foutu quelqu'un dans le public pour faire une vanne. Et après, j'ai vu les vigiles, y compris les filles, là, et qui les ont emmenés dehors. Et après, on a su que c'était effectivement contre l'IVG. Toi, t'as déjà fait des trucs dans les émissions télé, Kaufmann, pour tester et écoute, non, jamais. Je suis toujours bienvenu à la télé parce que je me comporte bien. Est-ce que tu penses que les émissions belges doivent faire pareil? Non. Non, pour toi non. Non, parce que nous, on a toujours eu un savoir-vivre, un savoir-être au niveau des plateaux télé. On a cette bonne belgitude qui nous caractérise et notre bonhomie qui nous caractérise. Et pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Il y a beaucoup moins de dérapages à la télévision belge, mais cela n'engage que moi. Dans quelques minutes, les jeux vidéo. Pokémon Go est à l'affiche de cette prochaine info jeux vidéo. On en parle juste après Zao et MHD sur Fun Radio. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici, l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillé. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Legend arrive sur Fun Radio. Et vous pouvez toujours vous inscrire, il vous reste une grosse heure, on va dire, pour vous inscrire pour la grande box Fun Radio. Oui, la grande box, c'est un peu le coffre au trésor, c'est le coffre à cadeaux qu'on a envie de remporter. Alors avant, on appelait un petit peu au hasard dans toute la Belgique, et puis on s'est dit pourquoi ne pas faire plaisir aux gens qui, eux, nous font l'amitié de se lever chaque samedi, chaque dimanche, entre 7h et 10h. Eh bien, on va les récompenser. Comment? Vous vous connectez maintenant sur Facebook, vous tapez C'est que du fun, vous nous laissez un petit message privé dans lequel vous mettez juste votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom. C'est ça. Et puis avec un peu de chance, on vous rappelle. Lorsqu'on vous rappelle, surtout décrochez parce qu'on est en numéro privé, sachez-le. Et puis on va vous poser une et une seule question. Qui vous offre le plus de cadeaux? À cette question, vous répondez Fun Radio et ce coffre au cadeau, ce coffre au trésor est à vous. Je vous souhaite toute la chance du monde. Inscrivez-vous sur la page Facebook C'est que du fun. Envoyez votre numéro de téléphone. On appelle dans une grosse heure. La Kaufman, tu vas tirer au hasard hein, comme chaque semaine. Bah, je te donnerai un chiffre hors antenne et puis tu feras le nécessaire comme d'habitude. Ouais, la suite du son Dance Floor, ça se passe avec Son of Legend sur Fun Radio. European. Oh. 25. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dans l'Eurodance 25 sur Fun Radio. Numéro 8. Chaque dimanche de 18h à 20h, Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même si vous partez en city trip sans avoir terminé votre checklist. On a les brosses à dents? Oui, je les ai. Et tes caleçons? Oui, je les ai. T'as coupé le chauffage? Eh oui. Ah non, ça d'habitude c'est toi qui t'en occupes. Mais non. Ah bah si. Éteindre votre chauffage à distance, c'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box avec 2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Les prix cadeaux, le service et la qualité Crefel, c'est... Crefel Bordel. Profitez-en maintenant, Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Le son, Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Don't let me down.

know if I kill any pain. Look what you've done. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Dimanche matin avec Pitbull et Florida. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Allez, on est reparti dans le monde des jeux vidéo. Chaque samedi, chaque dimanche, on vous donne l'essentiel de l'actualité jeux vidéo. Et là, on va parler de Pokémon Go, que beaucoup trouvaient malade. Mais en fait, le jeu n'est pas si malade que ça, puisque l'engouement autour de Pokémon Go cet été a été fou. Hein, c'était extravagant. Tout le monde avait envie de chasser son Pikachu. Et beaucoup avaient prétendu dans la presse que Pokémon Go était un peu mort, que l'application s'était essoufflée. Eh bien, sachez qu'à son plus haut pic d'activité, Pokémon Go rapportait plus de 16 millions de dollars par jour auprès d'une base de plus de 27 millions de joueurs. Si ce sont 700 000 nouveaux téléchargements qui sont désormais enregistrés quotidiennement, c'est pas si mal, l'application de capture de Pokémon conserve une très bonne rentabilité en rapportant quasi 2 millions de dollars chaque jour à son éditeur. Voilà. Autre information intéressante révélée par l'étude, 43% des utilisateurs de l'application sont des utilisatrices, soit 10 points de plus que les autres jeux du top 100 sur plateforme mobile. Donc mesdames, si vous aimez chasser les Pokémon, sachez que cette mode n'est pas encore près de passer. Dites-nous au 3044 si vous jouez toujours à Pokémon Go et pourquoi vous jouez pas si vous jouez pas. Kaufman, toi tu joues encore ou tu t'es arrêté de jouer? Je joue encore, mais beaucoup moins. Je joue encore. Parce qu'avant c'était tous les jours. Hein. Tous les jours tu me disais, ouais, j'étais dans la ville, dans les parcs en train de chasser. Je dois bien avouer que j'ai eu mon pic d'activité et puis là c'est un peu redescendu, mais je compte repartir là juste après l'émission, chasser quelques Pokémon histoire de compléter ma collection. Mais est-ce qu'on peut toujours ou est-ce qu'on peut se mettre en duel avec quelqu'un? Pas encore, mais ça arrive. Ça arrive très très bientôt. Ouais, mais c'est ça qui manque au jeu. Moi aussi je joue plus hein, depuis 3-4 semaines. Il dit qu'il joue plus depuis 3-4 semaines. Ça fait au moins 6 mois qu'il a arrêté. Et il a essayé deux fois. Il a capturé un Pokémon en studio. Il était tout fou. Et puis il s'est dit, je prends ma retraite. Ouais, c'est exactement ça. Dans quelques minutes, destination web, Kaufman. Et oui, Google entre dans la danse des téléphones portables. On vous dit tout sur cette nouvelle information technologique dans quelques secondes. Ouais, juste après Pitbull et Florida sur Fun Radio. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up, so give me the green light, cause I'm ready to go. Wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I saying, say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh yeah. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. 'Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Cheat Codes. Et là, on fait un tour direction le web. Kaufman, on s'envole. Oui, c'est peu dire. Chaque semaine, on vous rapporte eh bien, toute l'actu qui a marqué l'Internet, l'actualité technologique. Et là, pour le coup, on vous dit que Google entre dans la danse des téléphones portables. En effet, Google a tenu une grande conférence dans laquelle il a annoncé beaucoup de nouveautés. Et entre autres de ces nouveautés, il a annoncé le lancement d'un nouveau smartphone haut de gamme qui se positionne en concurrence avec un certain iPhone de chez Apple. Le nouveau smartphone de chez Google s'appelle Pixel et est le tout premier qui est entièrement fabriqué par Google. Ils ont tout conçu, du design industriel à l'approche du consommateur. Et ce qui a été intéressant, c'est que ce nouveau smartphone, ouais. Eh bien, possède toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme, avec vraiment toute la technologie embarquée de Google, puisqu'il le présente vraiment comme le premier smartphone entièrement Google. Ça veut dire que même la voix Google, c'est la vraie voix Google, tu vois. Ouais, okay, ouais. Et il sera vendu pour un prix de $649 aux États-Unis, où les précommandes ouvrent dès ce mardi. Hein, si vous avez envie de l'acheter et de l'importer, c'est possible. Et suivront l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La Belgique n'a pas encore été annoncée dans les listes des pays pouvant précommander ce nouveau téléphone. Toujours est-il qu'il me plaît bien, moi. Pour toi, il est meilleur que l'iPhone ou pas encore ? Bah, en tout cas, il ressemble très fort à l'iPhone. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont peut-être convaincre les utilisateurs de Samsung d'adhérer à ce téléphone qui s'appelle Pixel. Pourquoi ? Parce qu'il embarque une technologie Android. Ouais, pour toi, c'est plus pour les gens qui ont déjà un Samsung plutôt que les gens qui ont un Apple. Tout à fait, ouais. Okay, parce que le système d'exploitation sera pas du tout le même. Dans quelques minutes, on a des cadeaux à vous offrir dans le combien ça coûte. Et oui, jeux vidéo et goodies sont au programme. On vous les fait gagner chaque samedi, chaque dimanche avec plaisir. D'ailleurs, pour ce faire, rien de plus simple, David va nous donner un prix. Et à ce prix, je poserai des questions pour essayer de vous aider. En même temps, vous pouvez participer au 63-22 pour 1€ le message. Essayez de faire vos propositions. Le premier qui a trouvé la bonne réponse gagne. C'est aussi simple que ça. On joue ensemble juste après Cheat Code sur Fun Radio. For the longest time we're jamming at the party, and you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Silento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, cuckoo. goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me change you. Continue avec Sia. Et là, c'est l'heure de jouer avec le combien ça coûte. Le principe est simple. J'ai un prix en tête et Kaufman va poser des questions pour trouver l'objet. Et vous, chez vous, vous devez également trouver l'objet au 63,22 €€ par message. Si vous trouvez l'objet, vous gagnez plein de cadeaux. Eh bien oui, en parlant de cadeaux, bah forcément, on va vous offrir des jeux vidéo, des goodies, bref, des objets collector ainsi que des objets Fun Radio qu'on vous envoie très très vite chez vous. Le principe est très simple. David nous donne son prix qui est de 29 €. 29 €. Je vais poser des questions. Si vous avez la moindre idée, vous nous envoyez par SMS votre idée passer. 6322, c'est le numéro auquel il faut envoyer votre message. C'est 1€ par SMS envoyé. Ah, on y va. Je vais poser des questions. Tu veux poser des questions, vas-y. Est-ce que c'est un objet professionnel ou plutôt d'utilisation privée? Les deux, mais plus privé. D'accord. Est-ce que c'est électronique? Non. Est-ce que c'est décoratif? Oui. Est-ce que c'est dans une certaine pièce de la maison? Oui. Salon? Ça peut. Salle à manger? Ça peut. Chambre à coucher? Ça peut. D'accord. Est-ce que c'est un objet coloré? Non. Est-ce que c'est un objet utile? Oui. Est-ce que tout le monde en a un chez soi? Oui. Est-ce qu'il peut servir aux petits comme aux grands? Plus les grands, mais oui, les deux. Est-ce qu'on le trouve en grande surface? Ouais. D'accord, tu me fais bien avancer avec tout ça. Allez-y au 6322 pour trouver la bonne réponse. Kaufman, il est loin là, je sais qu'il est loin. Est-ce que oui, j'ai une question. Est-ce que cet objet fonctionne de pair avec un autre objet? Non. D'accord. Est-ce que c'est un objet de rangement? Non. C'est un objet de divertissement? Oui, non. Est-ce que c'est un objet qui est gros, massif? Oui, ça peut. D'accord. Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Non. Surtout pas. Et surtout pas s'asseoir dessus. Hein. D'accord. Mais c'est pas électronique. Non, c'est pas électronique. Non. D'accord. Est-ce que on peut le porter sur soi? Non. Est-ce que donc c'est sur une table? Oui, ça peut être sur une table. Oui. D'accord. Mais c'est plus un vrai objet, hein, quoi. On le met par terre, quoi. On le met par terre. Ouais. Il peut être incrusté également. Dans le mur? Dans une armoire. Dans une armoire. Donc allez-y, 6322 pour envoyer la bonne réponse. Kaufman, des questions? Oui, bien sûr. T'as pas trouvé là? Ah non, là, est-ce que j'ai une tête à avoir trouvé? Non, c'est pour ça. D'accord, est-ce que... T'as pas une idée? Non, pas on du tout. On peut vraiment l'incruster? Si, on peut l'incruster dans une armoire. Un objet qu'on incruste dans une armoire? Ouais. Est-ce que ça sert à... Mais ça peut se vendre comme ça aussi. Hein. Est-ce que ça sert à accrocher des choses? Non. D'accord, c'est décoratif et on peut l'incruster dans une armoire. Ouais, ouais. Dans une armoire quoi? Vitrée? Je sais pas si chez toi dans ta chambre t'as une armoire, tu vois par exemple. Ouais. Et bien si t'as une armoire, tu peux. Ah oui. Ah, tu penses avoir trouvé? Est-ce qu'on peut se regarder dedans? On peut se regarder dedans, effectivement. D'accord, bon bah je pense que j'ai trouvé à ce moment-là. Ça commence par quelle lettre pour toi? M. Oui, par un M, effectivement. Vous envoyez la bonne réponse au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, des jeux vidéo, des goodies collector. On a plein de cadeaux, hein, Kaufman. Oui, des cadeaux qu'on ne trouve pas dans le commerce, ouais. Donc c'est assez exclusif hein, pour le coup. Envoyez vite votre proposition. Si je vous dis que souvent les femmes se regardent dedans et disent « Ah tiens, je dois aller me refaire une beauté », et pour se refaire la beauté, bah forcément elles ont besoin d'un... Ah oui, un nain noir, un truc comme ça, voilà. Envoyez la bonne réponse au 6322, 1€ par message, je prends le gagnant juste après Sia sur Fun Radio. Partez vous éclater au concert de Martin Garrix en VIP à l'Amsterdam Dance Event grâce à Fun Radio. Écoutez Fun Radio non-stop tout le week-end. Dès que vous entendez un titre de Martin Garrix, hey, what's up, this is Martin Garrix, soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322, 1€ par message. Et partez faire la fiesta à deux avec transport et hôtel au live de Martin Garrix le 21 octobre à Amsterdam. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. The song dance floor. Allô? Bonjour monsieur, j'appelle du futur pour vous remercier de trier vos berlingots. Ah, de rien monsieur. C'est parce que vous triez aujourd'hui qu'on a pu inventer des trucs incroyables avec les berlingots recyclés en 2130. 2130? Et quoi, vous avez déjà rencontré un alien? Oui, et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Non, et quoi, elles sont sympas? Oh, vous savez, les belles mères, c'est toujours les mêmes. Allez, merci, au revoir. Oh, vous êtes mariés monsieur? Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. Du lundi au vendredi à 18h50 sur Plug RTL, Secret Story, la quotidienne. Merci d'être présents si nombreux pour Secret Story. Les maîtres mots de la maison, embrouilles, mensonges et manipulations. Ce mec est fou, c'est pas possible. Je redoute ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est le jeu. Croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer. Inédit, Secret Story, la quotidienne, du lundi au vendredi à 18h50. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Like a Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find

Je prends un gagnant dans quelques secondes pour le combien ça coûte. On m'a dit une horloge, c'est pas ça. Un cadre, c'est pas ça. Une glace, c'est pas ça. Allez-y, 6322 pour envoyer votre bonne réponse à 1€ par message. New Music, découverte Fun Radio. Je prends le gagnant juste après la nouveauté que je vous propose maintenant. C'est le nouveau son de David Guetta et il est forcément sur Fun Radio. Bon dimanche matin, les amis. Avec nous le samedi, le dimanche matin, 7h-10h, c'est que du fun, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Le son dance floor continue avec Jason Derulo. Et là, on va connaître la réponse au combien ça coûte, et pour ça, j'accueille David qui est avec nous. Salut David. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Entre David. Je suis fatigué, mais ça va. On est... Pourquoi t'es fatigué? Dis-moi tout. Ben, je suis cuisinier, donc le soir tu travailles super tard. Ah ouais, et tu t'es levé à quelle heure là? Non, je me suis levé à 5h au matin. À 5h du matin? Oh là là, ouais, ouais, oh là, mon pauvre là. Et là tu vas pas travailler là quand même le dimanche, si? Ah non, je vais à l'anniversaire de mon cousin. Ah bah super, joyeux anniversaire à lui alors. Il s'appelle comment? Merci. Il s'appelle Samuel. Samuel, bah, joyeux anniversaire à Samuel s'il nous écoute alors. David, t'as envoyé quoi au 6322? J'ai envoyé miroir. Miroir, un miroir. On vérifie si c'est la bonne réponse. Bravo David, c'est la bonne réponse. Il repart avec plein de cadeaux, des goodies, jeux vidéo. T'aimes les jeux vidéo, David? Ouais, j'adore. T'adores, bah, c'est parfait. Alors on va t'envoyer ça très très très vite. Merci David d'être à l'écoute. Joyeux anniversaire à ton cousin. Dis-lui bonjour à toute la famille, ça va? Ouais, ça va. Allez, on prend tes coordonnées en antenne, ne raccroche surtout pas David, ok? Ouais. Allez, pour la suite. Okay. Pour la suite de l'émission, ça va se passer avec le Fun Game. Kaufman a encore ramené plein d'infos, jeux vidéo. Il y aura aussi la grande box Fun Radio, vous avez l'habitude. Elle n'a pas été gagnée hier, elle doit être gagnée aujourd'hui. On parle de tout ça juste après Jason Derulo sur Fun Radio. Des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Jeux vidéo, la dernière info de ce dimanche matin, vous le savez, c'est que du fun vous apporte l'essentiel de l'actualité, hein, tant au niveau internet qu'au niveau technologique, qu'au niveau sportif, qu'au niveau jeux vidéo. Et là, pour le coup, eh bien, on va réaliser un des rêves de David, puisqu'il va pouvoir endosser enfin, et oui, ça fait longtemps qu'il nous en parle, le costume de Batman pour quelques heures. Le éditeur Rocksteady, les créateurs de la saga Batman Arkham reviennent très prochainement en réalité virtuelle avec une édition spéciale Batman Arkham VR. Les développeurs ont apporté quelques nouvelles précisions quant au contenu du titre. Le studio britannique a en effet confié à nos confrères Prestart la durée d'un jeu qui a été présentée depuis le départ comme une courte, très courte expérience. Les informations dont nous disposons se précisent, la durée de vie du titre sera quand même supérieure à ce que nous pensions. La durée de vie oscillera autour des 2h, 2h30. Et ce qui est assez intéressant, c'est le prix, 19,99€ pour vous le procurer. Rappelons en même temps que le PlayStation VR sortira le 13 octobre 2016 exclusivement sur PlayStation 4. Et si vous ne l'avez pas encore réservé, eh bien vous pouvez le faire chez Smart Toys ou sur smarttoys.fr. Est-ce que tu l'as testé, toi, le casque ? Oui, bien sûr. Et alors ? Écoute, j'aime plutôt bien. On peut pas y jouer trop longtemps non plus, parce que sinon on perd un petit peu la notion de l'espace. Mais c'est assez agréable et puis ça donne une autre dimension aux jeux vidéo, tout en sachant qu'il va y en avoir plein qui vont débarquer dans les années à venir. Et dans quelques minutes, la grande box Fun Radio. Ah là là, la grande box, on l'attend tous, hein, chaque samedi, chaque dimanche. Tendez l'oreille, elle s'adresse maintenant exclusivement aux gens qui nous font le plaisir de nous rejoindre entre 7h et 10h pour y participer. Et bien rien de plus simple, vous rejoignez CQ du Fun, la page Facebook, vous la rejoignez, vous tapez CQ du Fun dans la barre de recherche. Vous nous envoyez vite un petit message, mais alors très très vite, un petit message privé dans lequel vous mettez votre numéro de téléphone, votre prénom, votre nom. Et puis dans quelques secondes, peut-être, si on vous appelle avec ce numéro privé, il faudra décrocher et répondre à une question qui vous offre le plus de cadeaux. Une seule réponse sur une radio, bien évidemment. Et là, à vous, le coffre cadeau, celui qui regorge plein de chouettes trucs, il est à vous. On vous le donne, on vous l'envoie très très rapidement. La grande box Fun Radio, ça arrive dans quelques secondes. For to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Radio. People killing, people dying.

bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. Some me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Dimanche matin les amis, le Sundance Floor continue avec DJ Snake et Justin Bieber. Et là c'est l'heure de la grande box Fun Radio, elle n'a pas été gagnée hier, on la remet en jeu aujourd'hui, elle contient 6 places pour Astérix, 2 places de cinéma, une journée pour deux au terme Grimbergen et des goodies jeux vidéo. Anto qui est déjà là, qui va prendre le relais à 10h, ça va Anto? Mais je suis au taquet parce que c'est le jeu que j'attends avec impatience chaque week-end. Ouais, voilà. C'est la box parce que je trouve que c'est exceptionnel, t'as vu le nombre de cadeaux qu'il y a dans cette box. Beaucoup beaucoup de cadeaux, et vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook C'est que du fun en envoyant votre numéro de téléphone en privé. Anto, et surtout il faut être surtout bien sur son téléphone parce que malheureusement parfois les gens ne décrochent pas et c'est ça qui est dingue. Mais hier on a appelé quelqu'un qui s'est inscrit. Mais ouais. On appelle répondeur. Non, donc soyez attentifs et ayez bien votre téléphone à côté de vous. Tu vas choisir un numéro en taux pour le tirage au sort entre 1 et 4. Entre 1 et 4, je dirais 2. Le 2, très bien. On appelle alors, c'est parti. Au hasard, il faut répondre Fun 2. Radio. Hein. Je vais poser une question. Quelle radio t'offre le plus de cadeaux? Il faut répondre Fun Radio. Et si on répond autre chose, on gagne pas? Ah non, bah non. Non, on sait jamais. Attends, imagine. On est généreux. Hein. Allez. Quel suspense. On va voir si ça répond déjà. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour, quelle radio t'offre le plus de cadeaux? Fun Radio. Fun Radio, ah, t'es sûr de toi? Oui. T'es sûr et certaine, hein? Sûr et certaine. Eh bien, je dois te dire que tu as gagné la grande box Fun Radio. Bravo. Ah, c'est trop génial. Bravo, c'est quoi ton prénom? Elodie. Elodie, c'est ça? Ouais. Elodie, très bien. Elodie, tu gagnes la grande box Fun Radio, 6 enfin. Places pour Astérix, ouais, enfin. 2 places de cinéma, une journée pour deux, Thème Green Banger et des goodies, jeux vidéo. Ça te fait plaisir? À mort. Si tu veux, Elodie, pour les, en plus, pour les termes, c'est dispo. Elle venait de se réveiller, ça s'entend un petit peu à savoir. On avait un petit peu capté, hein. Avec Anto, on s'était dit, bizarre, c'est quoi cette voix? Ben, c'est dimanche, on fait la grasse mat, toi. Nous aussi, David, on aurait aimé faire la grasse mat. Bien mais sûr, bien on préfère sûr. Être là, évidemment. Elodie, juste un petit mot. Si tu as envie pour les termes de Green Bergen, je suis dispo, je t'envoie mon numéro. Hein. T'inquiète, y'a pas de soucis. Quel gratteur, ce mec. Ok, pas de soucis. Elodie, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas et bravo à toi, ok? Merci.